Pierre Molan causé, mon c'est gamin le yami, oublie pas. Oh, c'est la réunion, mon frère Moratine, m'y oublie pas. Valais, valais, que d'autres y a, tu plais, fané, m'y oublie pas. Oh, c'est la réunion, mon frère Moratine, m'y oublie pas. Depuis mon matin, mon frère, t'as.